Dossier 5. Phonigraphie. Leçon 1. Les sons k et s avec la lettre c. Activité 1A. 1. Cuisinier. 2. Leçon. 3. Cinéma. 4. Cadeau. 5. Célibataire. 6. Français. 7. Copain. 8. Bicyclette.